Il y avait déjà un an qu'il était avec nous, et je n'avais pu encore m'habituer à me confesser à lui. Souvent, il me regardait avec un rire qui me faisait croire qu'il se souvenait de mes péchés. Nous allions à confesse à jour fixe. Chacune passait à son tour. Quand il n'en restait plus qu'une ou deux avant moi, je commençais à trembler. Mon cœur battait à toute volée, et j'avais des crampes d'estomac qui me coupaient la respiration. Puis, mon tour arrivé, je me levais, les jambes tremblantes, la tête bourdonnante et les joues froides. Je tombais sur les genoux dans le confessionnal, et tout aussitôt, la voix marmottante et comme lointaine de monsieur le curé me rendait un peu de confiance. Mais il fallait toujours qu'il m'aidât à me rappeler mes péchés. Sans cela, j'en aurais oublié la moitié. À la fin de la confession, il me demandait toujours mon nom. J'aurais bien voulu en dire un autre, mais en même temps que j'y pensais, le mien sortait précipitamment de ma bouche. Le moment de la première communion approchait. Elle devait avoir lieu au mois de mai, et on commençait déjà les préparatifs. Sœur Marie-Aimée composait des cantiques nouveaux, elle avait fait aussi une sorte de cantique à la louange de monsieur le curé. 15 jours avant la cérémonie, on nous sépara des autres. Nous passions tout notre temps en prière. Madeleine devait surveiller notre recueillement, mais il lui arriva plus d'une fois de le troubler en se disputant avec l'une ou l'autre. Ma camarade s'appelait Sophie. Elle n'était pas bruyante, et nous nous éloignions toujours des disputes. Nous causions de choses graves. Je lui avouais mon aversion pour la confession et combien j'avais peur de faire une mauvaise communion. Elle était très pieuse et elle ne comprenait rien à mes appréhensions. Elle trouvait que je manquais de piété et elle avait remarqué que je m'endormais pendant la prière. Elle m'avoua à son tour qu'elle avait grand-peur de la mort et elle en parlait d'un air craintif, en baissant la voix. Ses yeux étaient presque verts et ses cheveux si beaux que sœur Marie-Aimée n'avait jamais voulu les lui couper, comme aux autres petites filles. Enfin, le grand jour arriva. Ma confession générale n'avait pas été trop pénible. Cela m'avait donné à peu près la même impression qu'un bon bain. Je me sentais très propre. Cependant, je tremblais si fort en recevant l'hostie que mes dents gardèrent une partie. J'eus un éblouissement, et il me sembla qu'un rideau noir descendait devant moi. Je crus reconnaître la voix de sœur Marie-Aimée qui demandait « Es-tu malade ?» J'eus conscience qu'elle m'accompagnait jusqu'à mon prie-Dieu, qu'elle me mettait mon cierge dans la main en disant « Tiens-le bien !» J'avais la gorge si serrée qu'il m'était impossible d'avaler, et je sentis qu'un liquide me coulait de la bouche. Alors, une peur folle monta en moi, car Madeleine nous avait bien avertis que s'il nous arrivait de mordre l'hostie, le sang de Jésus coulerait dans notre bouche sans que rien pût l'arrêter. Sœur Marie-Aimée m'essuyait le visage et disait tout bas « Fais donc attention, voyons, es-tu malade ?» Ma gorge se desserra et j'avalai brusquement l'hostie avec un flot de salive. J'osais alors regarder le sang qui était sur ma robe, mais je ne vis qu'une petite tache pareille à celle qu'aurait pu faire une goutte d'eau. Je portais mon mouchoir à mes lèvres et j'essuyais ma langue. Il n'y avait pas non plus de sang sur mon mouchoir. Je n'étais pas très sûr de tout cela, mais comme on nous faisait lever pour chanter, j'essayais de chanter avec les autres. Quand monsieur le curé vint nous voir dans la journée, sœur Marie-Aimée lui dit que j'avais failli m'évanouir pendant la communion. Il me releva la tête et après m'avoir bien regardé dans les yeux, il se mit à rire et dit que j'étais une petite fille très sensible. Aussitôt que nous avions fait notre première communion, nous n'allions plus en classe. Bonne Justine nous apprenait à faire de la lingerie. Nous faisions des coiffes pour les paysannes. Ce n'était pas très difficile, et comme c'était quelque chose de nouveau, je travaillais avec ardeur. Bonne Justine déclara que je ferais une très bonne lingère. Sœur Marie-Aimée dit en m'embrassant, « Si seulement tu pouvais vaincre ta paresse !» Mais quand j'eus fait plusieurs coiffes, et qu'il me fallut toujours recommencer, ma paresse reprit vite le dessus. Je m'ennuyais, et je ne pouvais me décider à travailler. Je serais resté des heures et des heures sans bouger, à regarder travailler les autres. Marie Renaud cousait en silence. Elle faisait des points si petits et si serrés qu'il fallait avoir de bons yeux pour les voir. Ismery cousait en chantonnant, sans crainte des réprimandes. Les unes cousaient, le dos courbé, le front plissé, avec des doigts mouillés, qui faisaient crisser les aiguilles. D'autres cousaient lentement, avec soin, sans fatigue, sans ennui, en comptant les points tout bas. J'aurais bien voulu être comme celle-là. Je me grondais en moi-même, et pendant quelques minutes je les imitais. Mais le moindre bruit me dérangeait, et je restais à écouter ou à regarder ce qui se passait autour de moi. Madeleine disait que j'avais toujours le nez en l'air. Je passais tout mon temps à imaginer des aiguilles qui auraient cousu toutes seules. Pendant longtemps, j'ai eu l'espoir qu'une gentille petite vieille, visible seulement pour moi, sortirait de la grande cheminée et viendrait coudre ma coiffe très vite. Je finis par devenir insensible aux reproches. Sœur Marie-Aimée ne savait plus que faire pour m'encourager ou me punir. Un jour, elle décida que je ferais la lecture tout haut 2 fois par jour. Ce fut une grande joie pour moi. Je trouvais que l'heure de la lecture n'arrivait jamais assez vite, et je fermais toujours le livre avec regret. Après la lecture, sœur Marie-Aimée faisait chanter Colette, l'infirme. Elle chantait toujours les mêmes chansons, mais sa voix était si belle qu'on ne se lassait pas de l'entendre. Elle chantait simplement, sans quitter son ouvrage, en balançant seulement un peu la tête. Bonne Justine, qui savait l'histoire de chacune, racontait que Colette avait été apportée avec les deux jambes broyées quand elle était toute petite. Maintenant, elle avait 20 ans. Elle marchait péniblement avec 2 cannes et ne voulait pas se servir de béquille de peur d'avoir l'air d'une vieille. Pendant les récréations, je la voyais toujours seule sur un banc. Elle s'étirait sans cesse en se renversant en arrière. Ses yeux noirs avaient la prunelle si large qu'on ne voyait presque pas le blanc. Je me sentais attirée vers elle. J'aurais voulu être son amie. Elle paraissait très fière quand je lui rendais un petit service. Elle avait une façon de me dire « merci, petite », qui me renvoyait tout de suite à mes 12 ans. Madeleine prit un air mystérieux pour me dire qu'il était bien défendu de parler seule avec Colette. Et quand je voulus savoir pourquoi, elle s'embrouilla dans une histoire longue et compliquée qui ne m'apprit rien du tout. Je m'adressai à bonne Justine, qui fait les mêmes simagrées pour me dire qu'on disait beaucoup de mal de Colette et qu'une petite fille comme moi ne devait pas s'approcher d'elle. Je ne pus jamais parvenir à comprendre pourquoi. À force de la regarder, je m'aperçus que chaque fois qu'une grande lui donnait le bras pour la promener un peu, il en venait tout de suite 3 ou 4 qui causaient et riaient avec elle. Je pensais qu'elle n'avait pas d'amis. Une grande pitié s'ajouta au sentiment qui m'attirait vers elle, et un jour que les grandes la délaissaient, je lui offris mon bras pour faire le tour de la pelouse. J'étais debout devant elle, un peu intimidée. Je sentais qu'elle ne refuserait pas. Elle me fixa, puis elle dit « Tu sais que c'est défendu ?» Je fis signe que oui. Elle eut un mouvement de la tête pour me fixer davantage. « Et tu n'as pas peur d'être punie ?» Je fis signe que non. J'avais une grande envie de pleurer qui me serrait la gorge. Je l'aidai à se lever. Elle s'appuya d'une main sur une canne, et malgré cela, elle pesait sur moi de tout son poids. Je compris combien la marche lui était pénible. Elle ne me dit pas un mot pendant la promenade, et quand je l'eus ramenée à son banc, elle dit en me regardant « Merci, Marie-Claire ». En me voyant avec Colette, bonne Justine avait levé les bras au ciel et fait le signe de la croix. À l'autre bout de la pelouse, Madeleine braillait en me montrant le poing. Le soir, je vis bien que sœur Marie-Aimée savait ce que j'avais fait, mais elle ne m'en fit aucun reproche. Pendant la récréation suivante, elle m'attira sur son petit banc, elle prit ma tête entre ses 2 mains et se pencha sur moi. Elle ne me disait rien, mais ses yeux plongeaient dans tout mon visage. Il me semblait que j'étais enveloppée dans ses yeux. J'en ressentais comme une chaleur, et j'y étais à mon aise. Elle m'embrassa longuement au front, puis elle me sourit et dit « Va, tu es mon beau lys blanc ». Je la trouvais si belle avec ses yeux qui avaient des rayons de plusieurs couleurs, que je lui dis « Vous aussi, ma mère, vous êtes une belle fleur ». Elle prit un ton dégagé pour me dire « Oui, mais je ne compte plus dans les lys. » puis elle me demanda brusquement. « Tu n'aimes donc plus, Mary ?»« Si, ma mère. »« Ah, eh bien, et Colette ?»« Je l'aime bien aussi. » Elle me repoussa. « Oh, toi, tu aimes tout le monde. » Presque chaque jour, j'offrais mon bras à Colette. Elle me parlait seulement pour faire quelques remarques sur l'une ou l'autre. Quand je m'asseyais près d'elle, elle me regardait curieusement. Elle trouvait que j'avais une drôle de figure. Un jour, elle me demanda si je la trouvais jolie. Aussitôt, je me rappelais que sœur Marie-Aimée disait qu'elle était noire comme une taupe. Je vis pourtant qu'elle avait un grand front, de grands yeux et le reste du visage tout mince. En la regardant, je ne sais pourquoi, je pensais à un puits profond et noir qui aurait été plein d'eau chaude. Non, je ne la trouvais pas jolie. Mais je n'osais pas lui dire, parce qu'elle était infirme. Et je répondis qu'elle serait bien plus jolie si elle avait la peau blanche. Petit à petit, je devenais son amie. Elle me confia qu'elle espérait s'en aller pour se marier, comme la grande Nina, qui venait nous voir le dimanche avec son enfant. Elle me tapait sur le bras en me disant « Vois-tu, moi, il faut que je me marie. » Elle s'étirait longuement, en tendant tout son corps en avant. Il y avait des jours où elle pleurait, avec un chagrin si profond que je ne trouvais rien à lui dire. Elle regardait ses jambes toutes tortillées, et c'était comme un gémissement quand elle disait « Il faudra un miracle pour que je puisse sortir d'ici. » Il me vint tout d'un coup l'idée que la Vierge pourrait faire le miracle. Colette trouva la chose toute simple. Elle était tout étonnée de n'y avoir pas encore songé. Il était si juste qu'elle eut des jambes comme les autres. Elle voulut s'en occuper tout de suite. Elle m'expliqua qu'il fallait être plusieurs jeunes filles pour faire la neuvaine, que nous irions nous purifier par la communion, et que pendant 9 jours, nous ne cesserions pas de prier afin d'obtenir la grâce. Il fallait que cela fût dans le plus grand secret. Il fut convenu que ma camarade Sophie serait des nôtres à cause de sa grande piété. Colette se chargeait d'en parler à quelques grandes qui avaient bon cœur. 2 jours après, tout fut réglé. Colette devait jeûner et faire pénitence pendant les 9 jours. Le 10e, ce serait un dimanche, elle irait communier comme d'habitude en se servant de sa canne et du bras de l'une de nous. Puis, l'hostie dans son cœur, elle ferait le vœu d'élever ses enfants dans l'amour de la Vierge. Après ça, elle se lèverait toute droite et entonnerait de sa voix magnifique le Te Deum que nous reprendrions en chœur. Pendant les 9 jours, je priais avec une ferveur que je n'avais jamais connue. Les prières ordinaires me semblaient fades. Je récitais les litanies de la Vierge, je cherchais les plus belles louanges et les répétais sans me lasser. « Étoile du matin, guérissez Colette !» La première fois, je restais si longtemps à genoux que sœur Marie-Aimée vint me gronder. Personne ne remarqua les petits signes que nous échangions, et la neuvaine se termina dans le plus grand secret.